la vie pas toujours belle, ou même misère pas faire trembler. D'appui soleil levé, juste dans la lune paraît, ou coubé d'eau à terre, ou pas petit manger. Madras et collier.